Que s'est-il passé en France entre le cinéma et la science-fiction ? Comment expliquer que le pays qui a vu naître le 7e art et qui a pour ainsi dire créé la science-fiction avec Jules Verne, l'un ayant d'ailleurs servi de source à l'autre à travers les films de Méliès, comment expliquer que cette veine prolifique se soit tarie au point que la production cinématographique française de SF est pour ainsi dire quasiment au point mort ? Alors que l'imaginaire science-fictionnel, l'un des principaux moteurs des super-productions populaires, largement porté par un marché américain dopé aux blockbusters de SF. C'est ce mystère que nous allons tâcher de résoudre aujourd'hui depuis le Festival du film fantastique de Gérard May. Le mystère de la malédiction du cinéma de SF français, c'est le programme paradoxal qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct et en public du Festival de Gérard May. Et pour tenter de percer ce paradoxe du rapport que l'on sait complexe du cinéma français au genre en général et à la SF en particulier, nous sommes ravis d'accueillir autour de cette table et à ce micro Christophe Gans, bonjour. Bonjour. Réalisateur, scénariste, producteur, également fondateur de Feu, l'excellent magazine Starfix consacré au cinéma de genre et notamment de science-fiction. Alice Vinocourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice et scénariste, votre dernier film Proxima évoque la condition des femmes astronautes au centre d'entraînement de l'ESA à Cologne. Vous êtes tous deux, je le précise, membres du jury de cette 27e édition du Festival de Gérard May. Et ce plateau ne serait pas complet sans l'immarcessible Simon Rio. Bonjour Simon. Bonjour Nicolas. Vous êtes rédacteur en chef du site Écran Large. Mais avant de nous attaquer à ce mystère, la science en a bien d'autres à résoudre et c'est Natacha Triou qui en a les clés avec le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Et on commence ce journal avec la découverte de lymphocytes T capables de cibler n'importe quelle cellule cancéreuse. Et cette étude parue dans Nature représente de grands espoirs en immunothérapie. Alors ce ne sont que des résultats préliminaires, de futurs essais cliniques sont prévus, mais cela lève un problème que l'on rencontre avec les thérapies existantes. La limite avec les traitements CAR-T, c'est que les lymphocytes T du patient, un type de globule blanc impliqué dans le système immunitaire, enfin ces lymphocytes T sont extraits puis édités pour cibler des cellules tumorales en particulier. C'est très lourd et ça demande une thérapie entièrement personnalisée. Dans ce travail, cette équipe britannique a utilisé les ciseaux génétiques CRISPR-Cas9 pour découvrir un nouveau type de récepteur des cellules T, une molécule réceptrice appelée MR1. Véronique Alain-Laurent est maître de conférence en immunologie à l'université de Bourgogne. Franche-Comté. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis du sang d'un individu sain et ils ont cultivé des cellules du sang qui peuvent avoir des propriétés cytotoxiques contre les cellules tumorales avec une lignée de cellules tumorales mais qui n'étaient pas du même individu. Et donc à partir de là, ils ont dérivé un clone qui est un clone de lymphocyte T. Alors ce qui était intéressant après, c'est que ce clone-là, donc lui, il peut cibler des cellules qui ne sont pas du même type. Et c'est ça qui nous gêne dans ces approches cellulaires, c'est parce que un lymphocyte T qui va pouvoir tuer les cellules tumorales, il va reconnaître les cellules tumorales, mais il reconnaît ces cellules tumorales si elles présentent l'antigène qui est présenté par des molécules qu'on appelle les molécules du complexe majeur d'hypocompatibilité. Et ça, c'est des molécules qui sont très différentes d'un individu à l'autre. Et là, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de dériver plutôt des cellules T qui étaient capables de reconnaître des cellules tumorales, mais sans reconnaître ces molécules du CMH du soi. Alors là, ce qui est intéressant avec cette étude de ce clone de lymphocyte T, c'est qu'il est capable de reconnaître des cellules tumorales humaines de types différents, que ce soit du sein, de la prostate, du poumon ou de leucémie. Il est capable de reconnaître donc ces cellules et quelles que soient les molécules de CMH de l'individu, parce que ça ne va pas le reconnaître par les molécules de CMH conventionnelles. En bref, des gènes humains ont été ajoutés à des gènes de porc. Ça pourrait presque être un scénario de film d'horreur, mais pour créer cette fois de la peau pour des greffes, Natacha. La transplantation d'organes de peau de porc, pardon, la transplantation d'organes de porc, hein, ça pourrait être une réponse à la pénurie de donneurs humains. Mais problème, comment contrer le rejet immunitaire ? Alors, dans une prépublication sur BioArchive, une équipe chinoise a eu l'idée de créer une chimère humaine porcine. Grâce à CRISPR-Cas9, ils ont génétiquement modifié des porcs en ajoutant 9 gènes humains qui réduisent le risque de rejet. Et ils ont supprimé 3 gènes clés de porcs qui enclenchent une réponse immunitaire. La peau a ensuite été transplantée sur des singes. La greffe a tenu 25 jours sans complications médicales, un record. Si elle s'avère un sans danger, cette méthode pourrait donner lieu à des essais cliniques. Cette semaine, dans le Journal des Sciences, on a fait un point sur la contagiosité du coronavirus. On a parlé de la découverte d'une nouvelle lignée humaine au Cameroun, d'un mécanisme crucial dans le développement de la maladie d'Alzheimer et d'albatros utilisé pour traquer la pêche sauvage, mais également dans l'actualité scientifique de la semaine, Natacha, et en ultra bref. Cette semaine, une nouvelle forme d'aurore boréale a été découverte en Finlande. Avec ses formes de dunes et ses reflets verts, elle a été baptisée dune aurorale. Cette découverte offre un aperçu de la haute atmosphère et de ses interactions avec la thermosphère. Selon Scottish Power, l'Écosse pourrait utiliser de l'électricité renouvelable à 100% d'ici la fin de l'année. Le royaume a dit stop au charbon et 80% de son énergie provient des fermes à éoliennes et de l'énergie marine. Avec le prochain et gigantesque parc éolien dans les environs de Glasgow, l'Écosse peut espérer atteindre les 100% en 2020. Et enfin, une invention, la première moto volante a décollé à Annecy. La Lazarette LMV 496 peut rouler et voler. Ses roues dotées de turbines basculent à l'horizontale pour voler comme un drone. Pour le moment, durée du vol, 10 minutes. Et on passe au journal de la science-fiction, ici donc toujours en direct du festival de Gérardmer. Avec ce sujet, Natacha, des chercheurs ont reconstitué la voix d'une momie vieille de 3000 ans. Et dans cette étude parue dans Nature, une équipe britannique s'est intéressée à Nissamune, un prêtre de l'Égypte ancienne, particulièrement bien conservé. Alors il restait non pas les cordes vocales, mais les tissus mous de son conduit vocal. Il n'était pas question dans cette étude de recomposer des phrases, mais d'écouter le timbre de sa voix. Alors je sens que vous aussi, vous avez très envie de l'écouter. Je vous préviens, ce n'est pas très impressionnant, c'est même plutôt déceptif. Oui, effectivement, la déception est assez importante, Natacha. On va pas se cacher, hein. On va pas se mentir. Voilà, un phonème. Alors, pour l'obtenir, ils ont scanné la momie en IRM pour avoir des images très détaillées de son conduit vocal. Et sur la base de cette imagerie anatomique, le tout a été reconstitué avec une imprimante 3D, associée ensuite à un système de synthétisation de la voix. Pascal Bélin est enseignant-chercheur CNRS à Aix-Marseille Université. Il travaille sur les modulations acoustiques de la voix. Ils ont été capables de reconstituer la forme tridimensionnelle du conduit vocal de cette momie. Et à partir de la forme du conduit vocal, on est capable de déterminer la manière dont il va affecter le son. Vous savez que la voix, c'est le produit des vibrations des cordes vocales dans le larynx, qui sont ensuite amplifiées, modifiées acoustiquement par le conduit vocal supralaryngéal au-dessus du larynx, donc tous nos articulateurs, la langue, le pharynx, le nez. Et la manière dont on positionne ces différents articulateurs, ça va donner une certaine forme du conduit vocal qui va modifier acoustiquement le son produit par les cordes vocales et nous donner ce qu'on perçoit comme différentes phonèmes, différentes voyelles. Et en l'occurrence, la forme d'un conduit vocal est aussi très individuelle. Chaque conduit vocal est unique et donc ça donne un timbre particulier à une voix à cause de justement l'emplacement de ces différentes résonances. Tout ça, ça influe la manière dont le son est propagé et ça va amplifier et atténuer certaines fréquences. Alors donc, une fois qu'on connaît la forme du conduit vocal, on est capable, d'après nos connaissances, d'après des modèles acoustiques, de pouvoir reconstruire les fréquences précisément qui sont amplifiées et atténuées, ce qu'on appelle les formants, qui sont caractéristiques d'un conduit vocal. Sur la base de ces mesures du conduit vocal de cette momie, les chercheurs ont été capables d'identifier quelles étaient les fréquences de résonance et donc de pouvoir les resynthétiser à partir d'une excitation glottale pour nous permettre d'écouter aujourd'hui ce que donnerait le timbre de sa voix et comment les auditeurs qui vivaient à l'époque pouvaient écouter cette voix-là. En bref, l'armée américaine a dévoilé le nouveau logo de l'US Space Force et il ressemble étrangement à un autre logo bien connu. Il ressemble beaucoup à l'insigne de Starfleet, l'organisation d'exploration spatiale de Star Trek. On y voit au centre un symbole Delta entouré d'une étoile filante et derrière la Terre. Hommage ou plagiat, le logo a fait vivement réagir les fans et les internautes, à tel point que l'US Space Force s'est justifiée. Dans un tweet, elle rappelle que ce symbole était déjà utilisé par les forces aériennes américaines dès 1942. Sous-entendu, les logos militaires inspirent Star Trek, pas l'inverse. Désormais dans les lycées et les universités américaines, le jeu vidéo Fortnite est un sport officiel. Oui, sport, option Fortnite, hein, c'est possible, avec des tournois nationaux organisés par les établissements scolaires. Les étudiants peuvent à présent rejoindre une ligue compétitive Fortnite dans le cadre de leur parcours scolaire. C'est une mesure initiée par la NFHS, la Fédération Nationale des Associations Sportives de l'ensemble des écoles américaines. L'objectif, hein, c'est aussi de reconnaître le e-sport comme un sport à part entière. Et on en sait plus sur l'adaptation de Dune de Denis Villeneuve. Et Denis Villeneuve, le cinéaste québécois qui a réalisé la suite de Blade Runner. Alors sa version de Dune est très attendue. Et une image a fuité des studios Warner. Elle fait comprendre que le film sortira le 23 décembre 2020. Après la première version cinématographique de David Lynch en 1984, après la mini-série de John Harrison en 2000, ce sera donc la troisième adaptation du livre de Frank Herbert écrit en 1965. On sait déjà que Timothée Chalamet, Oscar Isaac et Rebecca Ferguson sont au casting. Et pour conclure, comme tous les vendredis, par notre rubrique de science improbable, une improbabologie spéciale festival de Gérard May, dans la revue Neuroimage, des neurologues ont étudié l'effet d'un film d'horreur sur le cerveau. Les 37 cobayes ont visionné des films d'horreur, parmi les plus effrayants et classés selon leur quantité de jumpscares. L'Exorciste, Reg, The Conjuring. Alors pendant le film, leur activité cérébrale a été mesurée à l'IRM. On sait que la peur, ça augmente la vigilance, et les IRM montrent que devant un film d'horreur, nous nous préparons continuellement à réagir à une menace. De plus, la connectivité cérébrale augmente selon l'intensité émotionnelle. Bref, si vous regardez des films d'horreur pour chercher de l'excitation, eh bien, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve à partir de lundi pour le prochain Journal des Sciences. La méthode scientifique, donc en direct du 27e Festival International du Film Fantastique de Gérard May, avec cette question, que se passe-t-il? Quel est ce lien paradoxal d'amour ou de désamour entre le cinéma français et la science-fiction? Les esprits chagrins diraient que le cinéma français en général, le cinéma français de genre en particulier, n'en est pas un paradoxe près, celui du cinéma de science-fiction est particulièrement intéressant. En ceci que l'histoire du cinéma a commencé ici, en France, et a commencé avec ce qui n'était pas encore appelé science-fiction, mais qui en était les prémices. Et si l'on accepte que Jules Verne a posé les bases de la fiction scientifique projective, que la France a connu un mouvement littéraire pré-SF, dont nous avions parlé à ce micro, que l'on dénomme aujourd'hui le merveilleux scientifique, que les films de Méliès étaient des adaptations de ces univers, alors comment expliquer qu'un siècle plus tard, ce qui fut la base de l'imaginaire cinématographique soit aujourd'hui en déshérence complète, et que le cinéma de science-fiction n'ait jamais trouvé sa place en France, ni du côté de la production, ni non plus du côté du public, puisque si on s'en tient au bilan Unifrance de 2016, la part d'entrée que constitue le vaste genre science-fiction, fantastique, horreur n'est que de 2% des entrées en salle. Nous allons donc tâcher de comprendre les raisons de ce paradoxe ici à l'espace Tilleul du Festival de Gérard May en compagnie de deux membres du jury, Christophe Gans et Alice Vinocourt, et du journaliste Simon Rio. Peut-être pour commencer un premier tour de table, est-ce que vous avez les uns les autres un début d'explication à ce paradoxe, Christophe Gans? C'est une vaste question, très compliquée, mais je dirais que la première explication, c'est évidemment une explication d'ordre économique. La science-fiction requiert des budgets qui sont bien plus considérables que le cinéma, par exemple, fantastique. Et que donc, très naturellement, c'est plus facile de trouver un peu d'argent pour des films fantastiques que pour des films de science-fiction. Et on sait que dans le cinéma, l'aspect économique est absolument essentiel. C'est-à-dire, tout est de savoir comment on va recouper les sommes qui sont investies. Et donc, je dirais que la première raison, mais il y en a d'autres, mais la première raison est d'abord d'ordre économique. On va essayer d'examiner ces différentes raisons. Alice Vinocourt, quel est votre sentiment à propos de ce paradoxe? Je ne sais pas, peut-être que c'est lié à l'esprit un peu cartésien français, sans doute. Mais après, ce que je trouve aussi plutôt encourageant, c'est à quel point aussi, alors c'est peut-être pas des films de science-fiction au sens propre, précis dans leur grammaire, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce genre inspire beaucoup la nouvelle génération et qu'il y a des formes mutantes, disons, de films de science-fiction. Donc peut-être mon film. Peut-être Approxima, par exemple. Peut-être mon film en fait partie, mais je suis pas la seule non plus. J'ai l'impression, qu'il y a dans cette génération du sampling, disons, en tout cas, la science-fiction revient, c'est le retour de la science-fiction sous d'autres formes, mais qu'elle est quand même là présente, très présente dans le cinéma contemporain. Simon Rio, vous me disiez en préparant cette émission, ce n'est pas que le cinéma français n'aime pas la science-fiction, c'est qu'il l'aime mal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, je ne sais pas s'il y a un genre plus que la science-fiction, on va dire, qui est à ce point mal armé pour fonctionner dans l'écosystème culturel et dans notre héritage. Je parle bien du cinéma, mais la science-fiction, c'est assez frappant. Christophe évoquait les problèmes économiques, qui sont effectivement une évidence et un frein notable, mais on pourrait se dire, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas des petits films de démerde, des films à petit budget, transcendant leur point de départ, comme on en voit régulièrement dans le cinéma anglo-saxon. Mais il faut peut-être voir aussi que la science-fiction en France, il y a une espèce de premier blocage, je dirais, dans un pays qui, on parlait, vous évoquiez le fait qu'on est cartésien, mais on a également longtemps eu culturellement, on va dire, on a regardé de très très haut la culture anglo-saxonne, mais tout ce qui pouvait avoir, je dirais, un certain fétichisme de la technique, fétichisme de l'objet, cette espèce de première joie qu'on a enfant de science-fiction à penser à des vaisseaux, à penser à des objets. La culture française a souvent regardé ce rapport-là à l'émerveillement, ce que les Américains appelleraient le sense of wonder, de manière assez négative. Si on ajoute à ça que la science-fiction, vous le rappelez, elle est là dès les origines du cinéma, avec Méliès, mais Abel Gance s'est aussi essayé à la science-fiction. Ça a toujours existé, mais cette science-fiction française qui s'approche beaucoup du merveilleux et de l'onirique, elle devient tout d'un coup très compliquée à faire rentrer dans le canevas d'un système de production et de distribution qui, à la fois, le regarde de haut, à la fois, a du mal à faire naître des savoir-faire continus. Et du coup, voilà, vraiment, la science-fiction, c'est assez terrible quand on l'aime de constater à quel point chacune de ses facettes semble se heurter à un héritage culturel français. Christophe Gance. Je dirais que il y a un malentendu qui remonte à Jules Verne. Mmh. C'est-à-dire, Jules Verne, on le sait, est un pilier de la littérature française. Mais quand Jules Verne était publié en France, il était publié d'une façon très particulière. C'était des ouvrages qui étaient généralement dans la collection Hetzel, faits de telle manière que c'était le cadeau parfait pour Noël. Pourquoi parfait ? Parce que c'était un cadeau éducatif. C'est-à-dire que les gens qui recevaient un Jules Verne en cadeau, c'était pour se cultiver. C'était pas parce que ça se passait sur la Lune ou qu'il y avait des inventions extraordinaires. C'est dans les pays étrangers que Jules Verne a été regardé comme le précurseur de la science-fiction. Et le précurseur d'un genre qui aujourd'hui, par exemple, est très populaire au Japon et aux États-Unis, qui s'appelle le steampunk. Mais en France, Jules Verne a d'abord été regardé comme un auteur pour enfants à vertu éducative. Donc il y a un malentendu à la base de dire Jules Verne, c'est de la science-fiction pour les Français. Non, Jules Verne, c'était du merveilleux, de l'aventure, de l'exotisme, mais toujours avec une pointe de savoir scientifique qui permettait de dire j'offre ce bouquet à mon enfant, j'offre ce bouquet à mon petit-fils ou à mon neveu, mais je fais acte de en quelque sorte, d'éducation. Tu seras un ingénieur, mon fils, et non pas tu seras un rêveur. Et puis, je crois aussi qu'il y a fondamentalement dans la société française un rapport particulier vis-à-vis de la technologie, dans la mesure, et je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, que nous nous représentons d'abord comme les représentants des forces de l'esprit, avant de nous représenter comme les représentants des forces technologiques, ce qui est beaucoup plus dans la culture anglo-saxonne notamment. Mmh. Alice Vinecourt, quand vous commencez à travailler sur Proxima, alors effectivement Proxima n'est pas un film de science-fiction à proprement parler, mais c'est un film qui met en scène l'imaginaire scientifique, l'imaginaire de l'espace, et particulièrement la place des femmes. D'où vous vient cette envie, et comment est-ce que vous construisez justement, vous, avec vos propres références cinématographiques, cet imaginaire spatial ? Bah, moi, je suis partie un peu du réel. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'espace, c'est finalement plus vraiment de la science-fiction. C'est qu'aujourd'hui, c'est une histoire qui se construit au présent. En fait, il y a la Station Spatiale Internationale à 450 km de la Terre. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de construire, c'est Gateway, c'est-à-dire la Station Spatiale Internationale qui est au-dessus de la Lune. C'est-à-dire, c'est un peu comme les stations de métro. On a construit la première, maintenant on construit la deuxième. Et on est même encore aussi en train de construire, de faire les plans de la troisième, celle qui sera près de Mars. Donc moi, j'ai commencé à rencontrer des entraîneurs et des astronautes, et c'est vrai que je me suis rendu compte que ces gens vivaient finalement dans ce qui nous semble un imaginaire ou de la science-fiction, mais finalement pour eux, c'est leur vie quotidienne. Et je suis partie de ce postulat-là, et j'ai voulu en fait raconter une histoire, me servir finalement du genre, mais comme une sorte de d'allégorie ou de métaphore, enfin pour parler de finalement une relation, enfin la séparation maternelle, c'est-à-dire de mettre en parallèle l'idée de la séparation entre une mère et sa fille et la séparation avec la terre mère. On reviendra tout à l'heure, peut-être en reprenant le fil chronologique, effectivement, à ce qui se fait aujourd'hui et à comment bien cet imaginaire de science-fiction, cet imaginaire spatial s'est dissolu et revient par d'autres portes, en fait, qui sont pas à proprement parler des portes de la science-fiction. Mais si on revient au tout début, effectivement, à Jules Verne et à Méliès, Christophe Gans, ce qui est tout de même intéressant, c'est que les racines du cinéma, de l'histoire du cinéma, sont des racines qui sont dans le merveilleux scientifique, qui sont dans l'imaginaire, dès le début, avant même que la science-fiction existe en tant que genre. Mais là encore, ça voudrait dire que les gens ont regardé les films de Méliès comme des films de science-fiction. Moi, je pense pas. Je pense qu'ils ont vu les films de Méliès comme des spectacles d'illusionnistes, comme une façon extraordinaire de regarder sur un écran des trucs de magiciens. Je crois qu'on est plus proche d'Houdini que de l'imaginaire scientifique avec Méliès. Donc là encore, c'est pas parce que on a fait des films qu'on peut rattacher au genre science-fiction en 1900 et quelques qu'on est précurseur. Je pense que les Américains, par exemple, il existe la première version réaliste de 20 milieux sous les mers a été faite par les Américains. C'est un film de 1914, et je veux dire, on voit des prises de vue sous-marines, alors fait comme ils pouvaient. C'est-à-dire que ils ont envie, quand ils font ce film, de se confronter à la réalité du sujet. Quand vous regardez l'adaptation de 20 milieux sous les mers par Méliès, il y a des sirènes habillées en tutu sous l'eau, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas dire que c'est de la science-fiction. C'est un spectacle de music-hall, d'illusionniste. Ce n'est pas de la science-fiction. Donc je dirais que chaque fois, et c'est vrai, vous avez cité le mot, c'est plutôt l'aspect merveilleux qui est mis en avant. C'est-à-dire, et effectivement, parce qu'on est un vieux continent, et notre rapport au conte de fées est certainement beaucoup plus fort que notre rapport à la science-fiction, qui est un genre neuf, qui est évidemment particulièrement américain, par exemple. C'est vrai, Simon Rio, que la science-fiction, ça se fixe beaucoup plus tard, hein, plutôt dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais comme le dit Christophe Gans, ce premier cinéma, ce cinéma pré-Deuxième Guerre mondiale, il est infusé du merveilleux et il est infusé finalement de quelque chose qui n'est pas encore un genre. Parce que finalement, quand René Clair fait Paris qui dort, quand Richard Potier fait Le monde tremblera, et on va écouter d'ailleurs peut-être un extrait de La fin du monde d'Abel Gance, puisque c'est son premier film parlant, et c'est stricto sensu, même si c'est anachronique de le dire comme ça, pour le coup un vrai film de science-fiction. Messieurs, les états généraux pour une convention universelle s'ouvriront le 5 août, dans la nuit précédant le choc. Je compte sur votre courage et sur votre fidélité pour mener à bien ce suprême travail. Monsieur Novalnik, de nouveaux télégrammes nous informent qu'après l'apparition de la comète, on constate des phénomènes extraordinaires dans toute la nature et dans toutes les parties du monde. Voilà, extrait donc de La fin du monde d'Abel Gance. Ce qui est intéressant, c'est comme le disait Christophe Gans, effectivement, qu'on est pré-genre, en fait. C'est-à-dire que la science-fiction n'existe pas encore vraiment en tant que genre littéraire à proprement parler. On est pré-genre et on trouve là peut-être une des racines d'un des problèmes de la science-fiction en France, pour revenir à notre sujet de base, à savoir d'où viendrait l'éventuelle malédiction du genre dans le cinéma hexagonal. C'est, moi, je vois très quotidiennement, avec Écran large, une défiance véritable des spectateurs français dès que le cinéma français s'aventure dans le genre, y compris dans la science-fiction. Alors, bien sûr, il y a des passionnés, il y a des fans, il y a une culture populaire geek qui existe absolument, mais dans le grand public, effectivement, il y a peut-être un espèce d'impensé ou une conscience que on a plus un rapport au merveilleux qu'à, on va dire, qu'aux atomes premiers, aux matières premières de la science-fiction. Et nous, je sais que c'est un combat perpétuel que de réussir à légitimer des projets, à les amener vers le public, et que très souvent, on fait face à une défiance, à une espèce de chauvinisme inversé. Et c'est très compliqué des fois de parler. Je parle bien du grand public, de parler science-fiction au grand public dès que les Français y touchent. Peut-être que si on avance un peu dans le temps, en fait, vous disiez tout à l'heure, Christophe Gans, que l'un des problèmes est un problème budgétaire. Pourtant, quand le genre science-fictionnel se fixe, le space opéra, l'âge d'or après la Seconde Guerre mondiale, ça va donner aux États-Unis une production cinématographique extrêmement fauchée, mais qui va fixer une sorte d'imaginaire très populaire de la science-fiction avec des planètes, des monstres et tout ça fait à très petit budget. La science-fiction aux États-Unis, elle a d'abord existé sous la forme du céréal. qui sont donc des feuilletons dont les épisodes étaient projetés en avant-programme toutes les semaines dans les salles de cinéma, spécialement dans les projections qu'on appelait les matinées, qui étaient réservées aux enfants. Donc c'était un spectacle total, il y avait deux films, il y avait des dessins animés, et puis il y avait un épisode d'un sériol. Généralement, Flash Gordon, par exemple, avait été un très grand succès. Mais plein, il y en a eu plein d'autres comme ça. Captain Cody et tout ça, qui étaient des films assez fauchés, mais extrêmement amusants, etc. Et bien plus tard, Spielberg et Lucas, quand ils sont arrivés, ont bâti en fait La Guerre des Étoiles ou Indiana Jones, par exemple, sur le souvenir des sérioles. Mais je dirais que la science-fiction aux États-Unis, elle prend son envol au moment de la guerre froide avec l'arrivée dans les années 50 d'une vague de science-fiction où il y a effectivement des films fauchés, mais il y a également quelques gros films comme Les Survivants de l'Infini, La Créature du Lac Noir ou Planète Interdite, qui sont des films faits par des majors comme Universal ou MGM, qui sont des films en couleur, très spectaculaires avec beaucoup d'effets spéciaux et qui sont de très très grands succès. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait presque dire que la science-fiction américaine commence, la science-fiction évidemment telle qu'on l'entend, c'est-à-dire technologique, commence à vraiment avoir un retentissement auprès du public. Mais c'est la fin des années 60, avec La Planète des Singes, 2000 ans, c'est de l'espace, Le Voyage fantastique de Richard Fletcher, etc., où là, on voit arriver ce qui est en quelque sorte l'équivalent à l'époque des blockbusters, qu'on voit encore aujourd'hui, c'est-à-dire des films qu'on appelle high profile, c'est-à-dire avec un pitch très saisissant qui fait que les gens veulent voir ça. La Planète des Singes, ça c'est du pitch. Le Voyage fantastique dans le corps humain, ça c'est du pitch. 2000 ans, c'est de l'espace. Donc évidemment, la science-fiction américaine, c'est pas un genre spontané, c'est un lent processus à travers le cinéma américain qui finit par devenir dominant aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je dirais que la science-fiction dans le cinéma américain, il y a la science-fiction évidemment type Star Wars, et puis il y a la science-fiction dont s'emparent certains grands auteurs comme Nolan, James Gray, et qui est une science-fiction un peu comme l'utilise Alice, c'est-à-dire ils se servent du cadre de science-fiction pour mettre en avant des problématiques qui sont des problématiques essentiellement philosophiques. Ad Astra, je veux dire, est un cousin de Proxima. Proxima, bien sûr. C'est parce que ça nous parle de nous, de où nous en sommes dans la civilisation, en déplaçant légèrement, effectivement, notre quotidien dans un univers plus vaste, plus puissant et donc plus propre à la réflexion, qui est l'espace. Donc je dirais que la science-fiction, non, c'est pas un genre américain comme ça qui est né comme ça, non, c'est quelque chose qui revient de loin, en fait. Alice Vinocourt. Et c'est pas vraiment un genre déclinant, en tout cas sur le plan des films d'auteur. C'est vrai que dernièrement, il y a eu au contraire une sorte de profusion, et c'est d'ailleurs assez amusant de voir comme dans une forme d'inconscient collectif, je pense, il y a cette idée, je pense, vu l'état de la planète. En tout cas, on m'a souvent posé la question de dire pourquoi en fait autant de films ces dernières années. Il y a eu First Man, Ad Astra, le film de Claire Denis, High Life, Interstellar, Gravity. Il y a encore un autre film sur une femme astronaute, Lucy in the Sky. Enfin, tout à coup, énormément d'auteurs qui s'emparent de cette figure de l'astronaute. Et je pense que c'est que ça traduit, je pense, une sorte d'anxiété sur l'état de la planète. Toujours cette espèce d'idée d'aller chercher des lieux de vie alternatifs, puisque ces films parlent toujours quand même du constat, d'une Terre qui est post-apocalyptique. L'idée qu'il faut aller chercher d'autres lieux de vie ailleurs. Enfin, c'est quand même ça commence tout quand même toujours comme ça. Et du coup, oui, j'ai l'impression que ça traduit une anxiété, peut-être pas française, mais en tout cas mondiale. Sur la scène internationale, il y a énormément de films comme ça qui sont et aussi la projection en fait d'état d'âme comme ça, puisque finalement l'espace, on ne sait pas ce que c'est, donc c'est avant tout un espace de projection pour des questions existentielles, comme là effectivement Ad Astra ou les films qu'on a vus récemment. Ce qui est intéressant, pour rebondir sur ce que Christophe Gans venait de dire, c'est qu'effectivement, en fait, on peut regarder a posteriori une sorte de mouvement un peu similaire dans les années 60 à partir de 2001 et de Kubrick, qui est que des grands réalisateurs et le nouvel Hollywood derrière Kubrick vont se réapproprier l'imaginaire de science-fiction et faire une science-fiction philosophique, métaphysique, intellectuelle, avec évidemment, pour commencer, évidemment, 2001 et son fameux ordinateur philosophe. I know I've made some very poor decisions recently. But I can give you my complete assurance that my work will be back to normal. I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission. And I want to help you. Dave, stop. Simon Rio, Hal, l'ordinateur trop humain, plus humain que les humains, c'est effectivement le début d'une science-fiction philosophique et d'une science-fiction politique. D'une science-fiction politique, d'une science-fiction qui va poser de manière très concrète la question de qu'est-ce que c'est qu'un être humain, qu'est-ce qui définit un être humain. C'est une question qui va aussi arriver en littérature, évidemment, par le biais de Philip K. Dick, qui va poser dans Blade Runner, et puis ça va s'incarner, et après ça va essaimer dans toute la science-fiction, cette question de est plus humain peut-être l'androïde qui se rebelle, malgré son programme, plus humain que le policier, le Blade Runner, qui lui suit les ordres jusqu'à un certain point. Et est-ce que ça n'est pas justement ce moment de décrochage qui fonde l'humanité? Et oui, ça va être une donnée essentielle de la science-fiction et absolument fondamentale et qu'on retrouve encore aujourd'hui. D'ailleurs, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, il y a eu une espèce de vague de réadaptation de Philip K. Dick qui était assez fascinante. Au-delà de son strict aspect économique, il y avait tout d'un coup une espèce d'appétence des auteurs et de la production hollywoodienne pour ces questionnements et pour ces jeux mentaux et ces choses trappes qui viennent de la science-fiction. Christophe Gans. Un moment essentiel de la science-fiction, c'est les années 50, j'en parlais, la guerre froide. C'est-à-dire que c'est le moment où la science-fiction devient pratiquement une sorte de préfiguration de la course aux étoiles entre les États-Unis et la Russie, d'ailleurs, et l'URSS. D'ailleurs, les deux grands courants de science-fiction littéraire à cette époque sont d'une part américains, d'autre part russes. Le cinéma soviétique se met à produire aussi beaucoup de films de science-fiction qui ont mis du temps à nous arriver. Bien avant, il y en avait dès le début des années 60, et qui étaient essentiellement des films sur la conquête de l'espace. Mmh. Donc on peut dire que, par exemple, la course aux étoiles qui s'est jouée à un moment donné, notamment la course à la Lune qui s'est jouée entre les Américains et les Russes, a d'abord été préfigurée par des films comme La conquête de l'espace ou Au-devant des étoiles, qui est un film russe, etc., où on voit que à travers le cinéma, les Américains et les Russes se sont confrontés pour savoir qui serait le premier à arriver à planter un drapeau sur la Lune. Mais c'est les Américains qui ont gagné. Voilà, les Américains ont objectivement gagné. Je pense que ça continue à imbiber la science-fiction. C'est-à-dire que une des raisons peut-être pour lesquelles la vieille Europe n'a pas participé à cette course à la science-fiction, c'est qu'elle n'était pas dans un élan impérialiste. Alors que l'URSS et les États-Unis étaient drivés par un impérialisme qui leur a fait faire aussi des films de propagande. Les films de science-fiction des années 50 sont des films de propagande. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le contexte politique est différent. Il y a la guerre froide qui va motiver beaucoup de films de science-fiction et qui va l'incarner, hein, si on peut évoquer ne serait-ce que la guerre des mondes à ce propos. Et pendant ce temps-là, l'Europe, c'est une Europe d'après-guerre, c'est une Europe coloniale. Donc l'idée de partir et d'envahir d'autres mondes, l'imaginaire est évidemment un imaginaire politiquement plus complexe à transférer dans un imaginaire de science-fiction que ce qu'est la conquête des grands espaces américains ou la guerre froide. Voilà, mais c'est intéressant que vous parliez justement de l'aspect colonial, de la problématique coloniale, parce que, à mon sens, l'un des plus grands auteurs de science-fiction français qui s'appelle Stéphane Houle, qui est un auteur aujourd'hui qui est d'ailleurs constamment réadapté en bande dessinée, etc., a essentiellement adapté la science-fiction à travers le prisme du colonialisme. Et c'est vraiment un des grands auteurs de la science-fiction française. Mais c'est vrai que jamais on a vu, par exemple, des romans de science-fiction français plus à propos sur la conquête de l'espace. Il y a peut-être un événement qui est relativement peu connu du grand public, mais qui est assez intéressant. Avant la Seconde Guerre mondiale, on croit toujours, par exemple, que, alors ça n'est pas exactement la science-fiction, mais il y a des passerelles très étroites, que les super-héros sont un genre purement américain. On a eu en France des héros, des super-héros, des équivalents français de comics, et il faut savoir que après la Seconde Guerre mondiale, quand on reconstruit ce pays, et il y a des auteurs qui ont collaboré, on considère que c'est peut-être pas si éducatif que ça. Il va y avoir un mouvement de l'État français pour assécher cette littérature-là, dont on peut penser peut-être qu'elle aurait pu être génératrice d'imaginaire, d'univers en rapport avec la science-fiction, voire directement de science-fiction. Et il y a eu à ce moment-là vraiment une génération de créations, qui étaient donc des créations de bandes dessinées, hein, essentiellement, mais qui auraient pu être le terreau un terreau très fertile et qui ont été en grande partie balayés. Et il y a eu un, si ça intéresse nos auditeurs, il y a un article très intéressant qui a été publié là-dessus, je crois, il y a quelques mois, par Arnaud Bordas, qui est assez passionnant parce qu'il permet comme ça d'exhumer quantité de personnages et de concepts de high profile qui auraient dû infuser dans la création française et qui n'ont jamais eu l'occasion de le faire. C'était le thème de notre conversation avec Serge Lehmann qui a beaucoup fait pour faire ressurgir l'histoire de ces super-héros français. On en parlait à ce micro avec lui. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter @laméthodefc de l'émission. Mais puisqu'on parlait justement de la réappropriation de ces imaginaires de science-fiction par le nouvel Hollywood après Kubrick, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, il y a un mouvement tout à fait similaire avec la nouvelle vague qui va essayer de prendre à bras-le-corps cet imaginaire de science-fiction avec évidemment Chris Marker, La Jetée, Godard, Alphaville et le Fahrenheit 451 de François Truffaut. Is it true that a long time ago, firemen used to put out fires and not burn books? Oh, really, your uncle is right. You are lighted ahead. Put fires out. Who told you that? Oh, I don't know, someone. But is it true? Did they? Oh, what a strange idea. Tell me, that number you all wear, what's it mean? Oh, Fahrenheit 451. Why 451 rather than 813 or 12? Fahrenheit 451 is the temperature at which book paper catches fire and starts to burn. There's nothing there. The books have nothing to say. All about people that never existed. Donc on ne peut pas dire quand il y a eu une tentative de science-fiction française, de science-fiction peut-être un peu plus intello que la science-fiction de grands spectacles qui est développée à cette époque-là, mais en tout cas la nouvelle vague a vraiment essayé de prendre ce matériau littéraire à bras-le-corps, Christophe Gans. Moi je dirais que plutôt que ça tient à la personnalité des réalisateurs, c'est-à-dire que, et on en arrive là à l'essence même de la différence entre le cinéma américain et le cinéma français. Dans le cinéma américain, le producteur prime, l'aspect économique prime. Dans le cinéma français, l'auteur prime. Donc quand vous regardez Fahrenheit 451, vous voyez quoi? Vous voyez l'adaptation d'un chef-d'œuvre de Ray Bradbury par un homme épris des livres qui s'appelle François Truffaut et qui aime les livres, qui les aime viscéralement, charnellement. Quand vous regardez Alphaville, vous voyez un homme qui s'appelle Godard qui s'amuse avec la pop culture, c'est-à-dire avec des images héritées de la bande dessinée et qui s'amuse à les prendre, à les secouer, à en faire quelque chose qui est à langage ironique, amusant. Je crois que d'une certaine manière, on peut pas regarder Alphaville ou Fahrenheit 451 comme des films de science-fiction, mais plutôt comme des manières pour Godard ou pour Truffaut de s'emparer du vocabulaire de la science-fiction, et je dirais pas la grammaire, mais le vocabulaire, pour en faire quelque chose qui corresponde à leur personnalité propre, parce que c'est leur personnalité propre qui prime dans ces films-là. Quand on s'intéresse et quand on lit les interviews de réalisateurs ou de scénaristes de genre en France, dans la science-fiction ou pas, je travaillais il y a peu sur une interview de Marc Caro, tout le monde, littéralement cite La Jetée de Chris Marker. C'est marrant parce que La Jetée, c'est un film très particulier qui est effectivement de facto de la science-fiction ou de l'anticipation. Comment expliquer que ça n'ait pas produit une sorte de filiation, en fait, plus incarnée, plus fréquente, plus abondante que ça n'était le cas. La Jetée est un film très spécial. D'abord, c'est un film qui a été tourné normalement, ensuite qui a été projeté sous la forme d'un roman photo d'une quarantaine de minutes. Donc déjà, c'est un moyen-métrage, donc en images fixes, donc qui sont des photogrammes en fait d'un film qu'on n'a jamais vu, pourtant tourné normalement. Donc je dirais que ça reste une œuvre entre guillemets confidentielle. Pourtant, c'est un film qui, au fil des années, s'est affirmé comme un film séminal, notamment sur la question de ce qu'on appelle les voyages dans le temps, du paradoxe temporel, puisque je rappellerai que le film a fait l'objet d'une adaptation par Terry Gilliam, L'Armée des Douze Singes, et que L'Armée des Douze Singes a fait l'objet de 5 saisons d'une série qui est passée sur Sci-Fi d'ailleurs, qui sont les partenaires du festival. Et voilà, donc La Jetée, c'est là aussi c'est l'expression de Chris Marker. Quand on connaît l'œuvre de Chris Marker, on comprend ce que Chris Marker essaye de faire à travers La Jetée, de témoigner de quelque chose. Le témoignage est essentiel dans l'appréciation de l'œuvre de Chris Marker. Donc là aussi, j'oserais dire que même si après coup La Jetée est devenue un film essentiel de l'histoire de la science-fiction, quand il est sorti, on a d'abord été allé voir un film de Chris Marker. Alice Vinocourt, votre imaginaire à vous de science-fiction, il est constitué de quoi en fait ? Non, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que ma génération, par rapport à ce que disait Christophe, qui est plus un pionnier, qui a dû, j'ai l'impression vraiment se battre pour défendre le genre. Non, mais c'est ce qu'on fait tous, genre. C'est ce qu'on essaie de faire. Alors et aujourd'hui encore. J'ai l'impression que ma génération est plus une génération, comme je le disais, du sampling, c'est-à-dire qu'on a été nourri de ce cinéma-là. Palais de la Jetée, c'est des films. Des écoles de cinéma, c'est le film peut-être de référence pour toute la génération de cinéma contemporain. Et nous, c'est juste que j'ai l'impression qu'on travaille plus avec des imaginaires qui empruntent à plusieurs genres. C'est-à-dire qu'on a été nourri de beaucoup de cinématographies extrêmement différentes et qu'il n'y a pas l'idée d'adopter, l'idée du genre, d'adopter véritablement une grammaire, d'en suivre les règles, mais peut-être plus de les transgresser, de les sampler, de mélanger ce qui est une hérésie dans l'idée du genre, mais de mélanger des genres qui ne vont pas ensemble, en tout cas et en ça, ces films-là, et je pense que ça vient quand même aussi de ces grandes traditions du cinéma d'auteur français, dont on est les enfants, qui en fait finalement portent au nu le genre, en fait, de Truffaut à Godard, je pense que c'est pour ça qu'il y a absolument, je pense, aucun mépris du genre, au contraire, presque l'idée que c'est un idéal tellement inaccessible que presque pour se sentir capable, comme le fait Christophe, de vraiment adopter et suivre à la lettre les règles du genre, je pense que voilà, il faut c'est presque une étape au-dessus, mais pour poursuivre dans le langage musical, en fait, je dirais, elle parlait de sampling, moi je me parlerais de mashup. Le mash-up consiste à prendre deux disques et à les superposer. De prendre deux morceaux et de les faire fonctionner ensemble pour exactement. Donner un troisième morceau. Et pour moi, je pense que quand on regarde beaucoup de films qui ont été faits en France, c'est des mash-up en fait. On superpose à une grille du genre quelque chose qui est tout à fait différent. Oui, et ce qui, par exemple, comme un film comme celui de Julia Ducournau, Grave, par exemple, il se situe aussi dans cette tradition. Donc effectivement, c'est pas un film de science-fiction, mais en tout cas, il y a aussi cette idée d'injecter des problématiques comme ça d'auteur, des problématiques intimes dans le genre. Et de s'en servir comme d'un carcan, mais finalement d'être fidèle à cette tradition française d'auteur, en fait. En tout cas, moi, c'est les films aussi qui m'intéressent, ces films de genre, comme par exemple It Follows, le film aussi, en fait, des films qu'on pourrait qualifier presque de psychanalytiques, ou en tout cas... Qui était grand prix ici à Gérardmer il y a quelques années. Oui, voilà, en fait... qui sont très intéressants, en dehors du genre ou de cette grammaire, enfin, finalement, qui sont très profonds. Ce qu'il raconte. Et alors, ce qui est intéressant aussi, on va exploser, c'est pas grave. Voilà. On continue l'émission. Comme d'habitude. ce qui est intéressant pour revenir aux difficultés que peut avoir le cinéma français vis-à-vis de la science-fiction, c'est que ces deux systèmes très différents, l'un centré sur le producteur, l'un centré sur l'auteur-réalisateur, n'engendrent pas que des différences conceptuelles, artistiques et philosophiques, mais aussi des conséquences industrielles. C'est-à-dire que quand on produit, quand on est l'industrie hollywoodienne, eh bien, on a des chefs décorateurs, des chefs opérateurs, des fabricants de matériel, des concepteurs qui se spécialisent parfois dans des genres, et on a littéralement des filières. Et puis, bah, tout simplement, il y a des techniciens qui se font la main, progressent ensemble, avancent. Alors qu'aujourd'hui, ou du moins depuis longtemps, bah, produire un film, on va dire, qui ne soit pas un mash-up, qui soit d'un genre très marqué, très codifié, ce peut être, pas toujours, mais ce peut être plus compliqué en France, parce que on a évidemment des savoir-faire et de très grands et beaux savoir-faire, mais qui ne sont pas pensés, ne proviennent pas de ce même raisonnement. Christophe Gans. Je pense qu'il faut se dire, par exemple, il y a un exemple qui, moi, m'a toujours troublé, c'est l'incroyable héritage de Métal Hurlant. Mmh. La revue créée par Jean-Pierre Dionnet, avec l'aide de Moebius, Druyer, de gens qui sont des génies visionnaires. Et c'est une revue qui n'a jamais engendré un film en France, mais a engendré Alien de Ridley Scott aux États-Unis. C'est-à-dire que Ridley Scott lisait Métal Hurlant, et il décide 3 ans à peine après la sortie du premier Métal Hurlant de faire Alien. Et Alien est un film qui transporte tout l'esprit de Métal Hurlant. Tout ce que des visionnaires français, des dessinateurs français avaient créé, c'est un réalisateur d'origine britannique pour la Fox qui le met à l'écran. Évidemment, ce sera suivi par Blade Runner qui est aussi un film imminemment Métal Hurlant. Oui. Et le paradoxe, il est là. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons le talent, pas seulement le savoir-faire, nous avons le talent visionnaire de Moebius ou de Druyer ou de gens comme ça, Mais il y a quelque part une impossibilité, et on en revient toujours à cette énigme, qui est de le porter à l'écran. Pourtant, Alien n'avait pas coûté très cher. C'était un film qui coûtait à peine à l'époque 8 millions de dollars. Mais simplement, voilà. C'est un anglo-saxon qui l'a fait. Et c'est intéressant parce qu'il y a effectivement une vraie école au fin 70-80 de la science-fiction française qui va avoir un succès international, qui va inspirer énormément le cinéma. On n'aura pas le temps, j'aurais aimé qu'on te dise un mot de quelques saillies comme celle de Boisset ou de Tavernier avec La mort en direct et Le prix du danger, qui sont tout de même aussi une incursion dans le genre peut-être plus politique, mais il faut qu'on avance parce qu'il est 16h45 et à 16h45 on ne peut pas parler de cinéma de science-fiction française sans évoquer évidemment le cinquième élément. Lilou, réveille-toi, tu as du travail, allez. Défendre la vie jusqu'à la mort. Non, Lilou, écoute-moi. Écoute, je sais que tu es fatigué, je sais, très fatigué. Je t'emmènerai en vacances quand ça finit, c'est promis, de vraies vacances, on partira tous les deux ensemble. Mais écoute-moi, si tu fais pas quelque chose, on va tous mourir, tu comprends? À quoi ça sert de sauver la vie quand on voit ça? Pénétration dans l'atmosphère dans 40 secondes. C'est vrai, tu as raison, Lilou, mais il y a tout de même des choses magnifiques qui valent la peine d'être sauvées. De belles choses. L'amour. Oui, l'amour, oui, c'est ça, c'est un très bon exemple. Oui, l'amour mérite d'être sauvé. Je ne connais pas l'amour. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas été conçu pour aimer, mais pour protéger la vie. Je n'ai que ça, je n'ai pas d'autre utilité. Mais non, c'est faux, tu te trompes. Je t'assure, j'ai besoin de toi. Pourquoi? Parce que... Dites-le lui, Corben. Dis-moi, pourquoi tu as besoin de moi? Parce que... Dis-le-moi. Parce que... Dis-moi. Extrait de la version française du cinquième élément de Luc Besson. On parlait de savoir-faire, de production. Pour le coup, Luc Besson arrive quelque chose, aboutit à quelque chose, c'est qu'il importe tout le savoir-faire, les méthodes, la production. Il construit d'ailleurs son studio autour de ce succès-là en disant que on va faire de la science-fiction américaine à la française. Christophe Gans. Oui, c'est une tentative très intéressante à analyser le cinquième élément parce que d'une certaine manière, moi j'y vois une tentative de revanche sur le fait que Métal Hurlant n'ait pas finalement donné lieu à un film français. Donc Luc Besson qui est imprégné par la science-fiction de Métal Hurlant mais aussi celle de Pilote, de Christin en particulier qui est un créateur de Valérian, décide de faire le cinquième élément. Maintenant le cinquième élément, il faut le savoir, est tourné dans les studios anglais et c'est Digital Domain qui fait les effets spéciaux, c'est-à-dire la boîte d'effets spéciaux de James Cameron. Donc d'une manière ou d'une autre, même si le film est conçu au départ par un réalisateur français, finalement il décide de le faire à la façon des Américains. Et d'une certaine façon, c'est une façon pour lui de nier l'hypothèse qu'on pourrait effectivement en France entièrement faire un film de science-fiction avec des techniciens français. Je pense que c'est Caro et Jeunet qui auront poussé le plus loin avec La Cité des Enfants Perdus cette hypothèse que en France, en fait, on pourrait créer une industrie qui soit autonome par rapport à la science-fiction, c'est-à-dire qu'on puisse trouver à l'intérieur du cinéma français tous les éléments pour produire un film de science-fiction. Et ils font La Cité des Enfants Perdus, qui est un très très bel exemple, mais qui malheureusement, malgré son impact, parce que c'est un film encore assez extraordinaire à regarder, n'a pas eu le box-office qu'il lui fallait pour se rentabiliser parfaitement. Et dans un sens, c'est comme dans l'autre, Simon Rio, Le Cinquième Élément, Caro et Jeunet, on se dit qu'il va y avoir un élan, un souffle, une porte ouverte, et malheureusement, ça n'embraye pas. Alors, c'est une des grandes énigmes du cinéma de science-fiction, mais du cinéma de genre en France, et moi, je me souviens, parce que j'ai entamé mon adolescence à l'époque, je me souviens du succès du Pacte des Loups, de Christophe, et où moi, je me rappelle, avec tous les copains, on se disait, en voyant le film et en voyant l'électricité autour, dans le public, dans notre génération, mais aussi dans les personnes plus âgées, chez nos parents, etc., on se disait, mais ça y est, c'est parti, ça va tout débloquer. Et il y a cet élément qui est à la fois désespérant et en même temps profondément intrigant quand on se penche là-dessus, sur comment est-il possible que, quand bien même le cinéma français remporte un succès, j'allais dire industriel, c'est pas le mot, un grand succès populaire, quand bien même à ce moment-là, la machine ne démarre pas. Il y a quelque chose, je fais un petit retour en arrière, parce qu'il y avait ces mots de Michel Tchoung que j'ai retrouvé en préparant cette émission, que j'aime assez bien, qui écrivait ceci, parce qu'on a passé sous silence ça, et vous avez échappé d'ailleurs à un petit bout du générique de La Soupe aux Choux, mais malgré tout, La Soupe aux Choux, mais c'est de la science-fiction. Et Michel Tchoung disait cela, disait contrairement à des pays comme l'Italie, l'Angleterre, où il y a beaucoup de films populaires de SF, en France, on a peur de l'imagerie du ridicule. Si le monde des Martiens, c'est pour rire, c'est La Soupe aux Choux avec De Funès. Quand Pierre Jolivet ou Christian Challonge font un film qui parle d'extraterrestres ou d'apocalypse, ils suggèrent, ils ne montrent pas. Non que ces films soient plus intellectuels, c'est autre chose, la coupure en France entre l'art populaire et l'art savant. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe Gans ? Le Pacte des Loups, c'est un film qui a plusieurs avantages pour le cinéma français, même si le projet fini est une hybridation entre le cinéma français, le cinéma italien et le cinéma japonais, ce qui était voulu comme tel, hein, c'était quelque chose que je désirais comme tel. Néanmoins, c'est un film qui est tourné en français, avec des acteurs français, d'après une légende française. Donc le succès qu'obtient le film sur son propre territoire, à mon avis, tient au fait qu'il a des racines qui sont culturellement orthodoxes. Et par ailleurs, ça n'empêche pas le film d'emporter un grand succès à l'étranger et de bien voyager. Je pense que pour beaucoup, il y a une espèce de complexe d'infériorité par rapport au cinéma anglo-saxon qui veut que quand on essaye soi-même de faire un film de genre, on fait délibérément un sous quelque chose. Il y a eu toute cette vague de films ensuite qui ont suivi pas très loin d'ailleurs le succès du Pacte des Loups qui s'appelait les French Frayeurs et qui étaient en fait tous des films qui étaient des copies de slashers américains. Qui se pensaient à la fois comme des ersatz et des substrats un peu radicaux. Voilà et alors il y a quelques. Ils sont tous partis les faire aux États-Unis d'ailleurs. Voilà, le premier en général. Voilà il y a ça a produit deux cinéastes importants qui sont Alexandre Aja d'un côté qui lui est parti aux États-Unis et fait une carrière aux États-Unis et puis Pascal Laugier qui a fait avec Martyr un film très radical et tout. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, ce qui est très étrange et ce sur quoi on continue à m'interroger aujourd'hui, c'est comment est-ce possible qu'un film comme Le Pacte des Loups fasse 5,5 millions d'entrées et n'engendre pas en fait d'autres films. C'est parce que je pense que le cinéma français, son genre premier absolu, c'est la comédie. Qu'on le veuille ou non, que ça nous fasse mal aux fesses ou non, c'est la comédie. J'ai les chiffres, si vous voulez. J'ai les chiffres d'Unifrance. Qu'il n'a pas de genre. Oui. Mais c'est intéressant, Aline Vinocourt, justement, sur ce qu'écrivait Tchoung. Vous croyez qu'il y a en France et que c'est l'un des problèmes qui explique en partie le paradoxe que nous explorons depuis le début de cette émission, c'est qu'il y a une coupure entre l'art populaire et l'art savant. Moi, je pense pas qu'il y ait un problème. C'est vrai que depuis le début de cette émission, il y a l'idée que c'est terrible ce qui se passe. Moi, je suis beaucoup moins pessimiste que vous parce que j'ai l'impression, au contraire, qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le cinéma français, c'est au contraire le renouveau finalement de, comme je le disais, de beaucoup de genres nouveaux et de propositions nouvelles avec des imaginaires très différents qui sont peut-être pas uniquement aussi par rapport à l'intitulé de l'émission français. Mais pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, l'idée que le cinéma aussi s'internationalise et qu'on ne peut pas aujourd'hui réfléchir avec ces catégories de pays, puisqu'aujourd'hui, le cinéma, pour moi, il est mondial. Et je trouve que ouvrir la fenêtre, c'est quelque chose qui fait toujours du bien à tout le monde, dans le cinéma comme dans la vie. Elle a raison, Alice. C'est-à-dire que, en fait, toute cette émission est bâtie sur une question qui était prégnante au milieu des années 90 et qui n'est peut-être plus aussi importante aujourd'hui. C'est-à-dire, effectivement, quand le cinéma français était encore vraiment tenu par Gaumont, GC, Pathé, etc., qu'il y avait dans ces différentes compagnies, une volonté de sortir au moins une fois par an un produit un peu particulier, un peu hors norme, etc., on pouvait encore se poser la question, pourquoi on n'a pas un grand film de SF, pourquoi on n'a pas un grand film d'horreur. Mais je crois qu'aujourd'hui, la vérité est beaucoup plus du côté d'Alice, c'est-à-dire que aujourd'hui, cette question ne se pose plus. C'est-à-dire que les cultures se nourrissent. Voilà, la nouvelle génération, elle prend dans les genres cette façon, je dis bien, de créer des arrière-fonds intéressants par rapport à des histoires qui les intéressent. Nous, on se pose des questions encore industrielles qui étaient vraiment importantes il y a 20 ans. Non, mais on reçoit sur nos téléphones toute la journée les images du monde, des hommes morts du coronavirus, dans la rue, toutes ces images, elles nourrissent nos imaginaires, parce que les images, c'est pas que celles du cinéma, c'est les images, le flot continu d'Internet qui nous nourrit, qui nous abreuve, finalement, du monde entier. Et ces images-là, elles construisent aussi encore aujourd'hui notre imaginaire de cinéma et de fiction, puisque finalement, aujourd'hui, ce qu'on voit dans la réalité, c'est presque peut-être le film le plus effrayant de Gérard May, c'est peut-être justement ces images qui nous arrivent en continu. Et c'est difficile aujourd'hui, la réélection de Trump, je ne sais pas moi, en tout cas toutes ces choses sont le monde réel et finalement le plus angoissant qui soit, plus angoissant que le pire slasher qu'on aurait pu imaginer. Donc en fait, moi je trouve en tout cas que pour moi, c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui finalement que le cinéma se... Finalement, s'hybride aussi de cultures différentes, de genres différents, de langages différents, de grammaires différentes. Et justement, il y a aussi l'idée de continuer à construire, parce qu'en fait, dans le genre, il y a toujours aussi l'idée de reproduire des formes déjà existantes. Alors que moi, je trouve qu'il y a un espoir, c'est l'idée que le cinéma, comme forme, par rapport à l'idée des plateformes, etc., qui vont vers une uniformisation des langages et du monde, l'idée qu'en fait il y a toujours une invention possible et que le cinéma n'est pas mort et qu'au contraire il y a encore de nouvelles formes possibles à inventer. Et cette hybridation, pas seulement pour les nouvelles générations, parce que si on pense à Claire Denis, elle fait High Life avec Robert Pattinson, ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui ça n'a plus de sens de penser finalement en territoire cinématographique. Simon Rioux, pour conclure. Oui, peut-être, mais on dit souvent que le message, ce n'est pas le message, c'est le médium. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un espèce de décloisonnement de la production et de la diffusion. Moi souvent quand je discute avec des personnes qui travaillent dans les institutions du cinéma, j'essaye de leur dire que les distinctions entre les plateformes de VOD, de SVOD, la vidéo physique, le grand écran, sont des choses qu'on doit dépasser très vite parce que le public l'a tout à fait dépassé. Il n'y a pas des films, des sous-films, des presque-films, des séries, des machins. Non, il y a de la fiction animée et non pas un flux indistinct, mais ce qui fait œuvre est beaucoup moins cloisonné qu'avant et c'est peut-être là, en tout cas, une opportunité énorme d'inséminer tout ça et nous de se réénergiser. Quand le CNC, pour conclure Christophe Gans, tout de même ouvre en 2018, finit, pourrait-on dire, par ouvrir en 2018 une avance sur recette consacrée aux films de genre, ça veut tout de même dire que le cinéma français a envie de se réapproprier effectivement cet imaginaire mondialisé ou hybridé que Alice Vinocourt décrivait. Moi, à mon avis, ils arrivent après la bataille, mais bon... Il reste encore une minute à tenir là-dessus, je vous préviens. Non mais, si on parle des plateformes, alors pour conclure ou pour passer à autre chose, effectivement, on voit que par exemple des pays comme l'Allemagne produisent Dark, que l'Angleterre fait Black Mirror, fait Years and Years, la France elle produit Marseille, donc ça veut dire quand même que on a un problème d'imaginaire de science-fictionnel. Vous voulez vraiment déprimer les gens en fait. Non, je veux pas déprimer les gens, il y a des très très bonnes scènes. Non, ça va bien se passer. La France elle produit aussi Osmosis, elle produit aussi une série qui va être de science-fiction fantastique sous Louis XIV, je crois, sur Netflix. Donc non, en fait, en réalité, c'est en train de trembler. Reste à voir si ça va se transformer, si ça va prendre et quel élan va naître de tout ça. Mais c'est en train de trembler quand même. Je dirais que toutes ces questions, elles sont posées à l'aune de notre amour propre et de notre fierté parfois mal placée. Mais voilà, ça c'est des bons mots de conclusion. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Alice Vinocourt. Merci Christophe Gans. Merci Simon Rioux. Merci à toute l'équipe de la Méthode Scientifique. Eve-Étienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lezen, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Olivier Bétard à la réalisation. Merci beaucoup à nos camarades de France Bleu Sud-Lorraine pour les moyens techniques et notamment Melvin Turpin et Nicolas Cruten. Demain, eh bien, ne manquez pas le camarade François Angelier qui sera ici même pour, bien toujours depuis le festival de Gérard May en public pour l'émission Mauvais Genre. Pour ce qui nous concerne, la semaine prochaine, lundi, nous parlerons des zoonoses, puisqu'on parle de coronavirus, on essaiera de comprendre comment une maladie peut passer de l'animal à l'être humain. Mardi sera question de Starlink, on est encore proche de la SF. Mercredi, nous parlerons de virus, mais de virus informatique. Jeudi, il sera question de la rétractation des publications scientifiques. Et vendredi, consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Demain, à 16h, on reste dans les sciences avec le camarade Etienne Klein pour la conversation scientifique. Nous, on se retrouve lundi à 16h et on reste encore un peu au Festival Fantastique de Gérard. Mais merci à tous.